Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planet Rap Ice LMC. Et c'est parti pour une nouvelle semaine, une nouvelle soirée. Bonsoir, bienvenue à vous tous, Ice LMC. Comment va? Je vais très bien, j'ai la pêche, j'ai la forme. Et ben je vois ça. Aïe, merci encore de m'inviter. Ça fait plaisir. 4 jours de la sortie, c'est vendredi. Le 4 septembre, ça arrive. Parce que désormais, les sorties, c'est le vendredi. En précommande dès maintenant, ça s'appelle L'Or des Rois. Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es content de cet album? C'est le premier, on peut dire que c'est le premier album. C'est vraiment mon premier album. Donc je suis très fier de ce que j'ai accompli jusqu'aujourd'hui. Très fier d'avoir fait voilà mon troisième gosse, on va dire. Mon plus beau bébé. C'est vrai qu'il y a eu des projets qui étaient sortis, voilà. mais celui-ci a pris un peu plus de temps en fait. A pris un peu plus de temps pour le faire. Beaucoup plus de temps même. C'est quelque chose que, comme j'expliquais tout à l'heure à mes locaux sur Facebook, j'ai mis beaucoup de temps à repeaufiner, à retravailler mon rap pour être encore plus complet. Et voilà, que ce soit dans les lyrics ou que ce soit dans la musicalité, etc. Ouais, musicalité, c'est ça qui est assez fou sur cet album, c'est qu'il y a plein de choses différentes. Ouais, c'est très très varié. C'est très varié en fait, ouais. Il y a plein de choses à pouvoir découvrir. On a prévu d'ailleurs un petit medley, on va débuter avec. Un medley de L'Or des Rois pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend sur cet album d'Ice LMC, le premier album qui sort donc vendredi. Planète Rap. Je suis de retour dans le game, bitch. L'oiseau de nuit vole de ses propres ailes. Je suis de retour dans le game, bitch. Planète Rap. Bitch, pied du mur corner. Cagoulé sur la Hornet. Carpetize dans la Corvette. Les rappeurs baillent au corneille. Honneur ta silence, honneur. Poukito, je te montre en l'air. L'élite arrive, arrive, allure. J'ai la dame, je viens du corner. Planète Rap. On m'a demandé d'être stoïque. Des traces de griffes sur l'homoplate et le poids de paname sur les deltoïdes. Je suis un ice d'héroïne. Je vois les anciens tomber dans l'héroïne. Petit, ma gloire n'a rien d'un acte héroïque. Planet Rap. Calimera, je viens de sortir de ma coquille. Calimero, crois-moi, Nino. Mentalité Luther King dans le parking. Pas de Panamera, y'avait pas le dinero. Élevez ton Lambruglio. Je sors du ring, des traces de corps sur le dos. Prends la pure Ario. Planet Rap. C'est Nicel et sous la chrysalide. Prends le trône d'un air tyrannique. Miroir, t'es mon pire ennemi. Rise MC dans la pyramide. Planet Rap. Planet Rap. Dis-moi qui sont mes ennemis. La célébrité, mes frères. Et j'ai peur. J'ai peur. Planet Rap. Assolant ces rythmiques tellement assolants. J'aimerais voir nos procès classés. Assombris, j'ai l'éthique d'un VHS. Alors on me surnommera Ice LMC. Ma désir tel pour ce que je suis. Ma désir tel pour ce que j'ai. L'opinel est dans ses parésies. Elle se servira de ce que j'aime. De ce que j'ai. Planet Rap. Au cœur de l'Utesse. Au cœur du ciel, c'est bingo. Planet Rap. Elle veut juste qu'on s'en aille ailleurs. Bigo, c'est ma bitch. Ma bitch. Bigo, c'est ma bitch. Ma bitch. Bigo, c'est ma bitch. Bigo, c'est ma bitch. Planet Rap. X fait Bagdad d'abord. On a les matières premières en bas, ton dolly. Ta pute qui quand on passe les rapports. Dernier pilon, dernière charge, dernier poli. Big rap la peur, pris pour cible, des envies, t'as pas de preuve. Course poursuite, la drain nous excite, y'a pas de pleurs. MS10 fait pas de faible, on plaide la folie. Planet Rap. Tu t'as trahi l'omerta. Le hood est sur tes côtes, on va faire mal, stage. T'as trahi l'omerta. Le hood est sur tes côtes, on va faire mal, stage. Je n'ai pas dormi depuis 6 mois, mais je prends sur moi, Bigo, je suis fait. Dégoûté de ce milieu sournois, je n'aime que mes locaux, je n'aime que mes locaux. Je suis un électron libre, hashtag Einstein. Planet Rap. J'ai de mon gaz avec des poutres de vacances, on va vous brûler chez nous tous les jours, c'est Walking Dead. Walking Dead, c'est mon AA12, je ne rate aucune dette. X fait pas Walking Dead, PS to Walking Dead. Triangle de Walking Dead, craint l'ensemble contre la pute. Planet Rap. Que sais-tu de moi, Pussy Digo? Tu n'es bon qu'à parler sur moi, Pussy Digo. le Planète Rap avec Ace MC. Voilà un petit avant-goût de ce qui vous attend dans les bacs vendredi. C'est vrai que je le disais, varié, beaucoup de choses différentes aussi. Beaucoup de choses. C'est une volonté de ta part, ça vraiment. C'est, ouais, voilà, je voulais être très complet. Je voulais être vraiment complet. Tiens, je vais te confier un téléphone. Tu l'as pendant toute la semaine, c'est le téléphone qu'a eu Mac Taylor. Maître Gims l'avait la semaine dernière. J'ai mis le numéro dessus là sur mon Snap et là on a déjà des appels, regarde. Ça n'arrête pas. 06 71 74 84 15, c'est le téléphone qui est lâché comme ça pendant une semaine. Tu fais ce que tu veux avec. Il faut me le rendre vendredi par contre. Je sais pas si je vais te le rendre. Il faut me le rendre vendredi. Il se commence pas. Je récupérerai vendredi. Ça marche. Donc quand tu veux décrocher, tu décroches. Quand tu veux voir les messages, tu nous dis, il n'y a aucun problème. Le téléphone, c'est 06 71 74 84 15. Donc alors, l'album arrive vendredi. On le disait, c'est ton premier album. Qu'est-ce qui était le plus dur sur cet album? Qu'est-ce que tu ne voulais pas tomber dans... Le plus difficile dans la création de cet album, c'était de me renouveler. C'est-à-dire de ne pas revenir avec la même chose qu'avant. Comme l'évolution qu'il y a eu entre Un Petit Pas pour l'MC et Electron Libre. C'est vraiment le troisième CD. C'est un peu la trilogie du début de ma carrière. Et c'est vrai que c'était le plus difficile. C'est l'album le plus difficile. J'ai galéré à le faire, j'ai galéré à l'écrire parce que je suis un éternel insatisfait. Et je suis presque satisfait aujourd'hui de cet album. C'était les sons le plus simple à trouver quelque part. Tu les avais, t'avais envie de rapper dessus, mais c'était peut-être les textes, écrire, trouver des choses aussi. Parce qu'un album, il faut aller aussi forcément sur des choses un peu plus profondes. Il y en a d'ailleurs dessus. C'est vrai. Il y a des trucs plus profonds. Et je pense que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à moi. Donc aussi un nouveau style de flow, plus varié, comme tu l'as dit, plus complet. Et je pense que les gens pourront se reconnaître sur plusieurs styles différents. Allez-y, balancez les messages avec le hashtag IceLemcy sur Skyrock. On débute avec Millionnaire. C'est parti. Allez, c'est parti, c'est un des sons qui nous a bien ambiancé déjà cet été. Millionnaire, c'est extrait de l'album L'Ordre des Rois, ça sort vendredi. Elle est plutôt mignonnette, mignonnette, mignonnette. Elle a plus d'une marionnette, marionnette, marionnette. Elle est plutôt visionnaire, visionnaire, visionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Oh, bitch, I don't care, bitch, I don't care. Lâche mon don't care, par la taille à ton père. Bitch, I don't care, bitch, I don't care. Lâche mon don't care, par la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, une dot à un millionnette. Elle a fait des kilomètres pour faire de lui sa marionnette. Elle aime les bicos malhonnêtes, les suppléments mayonnaise. Le veuf clico la monnaie, elle fait monter le baromètre. Très souvent ivre d'après ce que j'entends. Cette pétaille s'arrive toujours dans le carré VIP en chantant. Oh oh là moi c'est Ice le boss enchanté. Tu dis ne pas me connaître mais tu fais semblant. Argent, gloire et beauté, elle veut me ligoter. Elle ne mérite pas mieux qu'un hôtel miteur rugoté. Elle peut pas chipoter, elle sait que je suis coté. Tu rêves de te faire un blaze à travers mon épopée. Poupée, bitch I don't care, bitch I don't care. Lâche mon don't care, par la taille à ton père. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâche mon don't care, par la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. Comme un homme, elle fait l'amour comme une femme. Une fois qu'elle a vidé ton magnum, elle prend la vie comme une fable. Champagne en fontaine pour madame, reconnue dans tous les clubs et les grands hôtels de Marseille à Paname. Tu cèdes à ses petits caprices, ses talents de petite actrice. Elle te laisse une cicatrice ou te laisse en psychiatrie. Elle recherche un millionnaire, toi t'es juste une marionnette qu'elle emmène chez Marionneau, qu'elle mène à la Michto. Plus sur quel pied danser depuis que t'es devenu son bolos. Elle attend que tu te fasses péter pour péter les clés du gamos. Coupé, le genre femme à redouter. Tu rêves de faire un blaze à travers mon épopée. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâche mon don't care, par la taille à ton père. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâche mon don't care, par la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâche mon don't care, par la taille à ton père. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâche mon don't care, par la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. Oh. IceLemcy, L'Ordre des Rois à l'instant. T'es au téléphone, excuse-moi. J'étais au téléphone avec un de mes locaux là. Alors qu'est-ce qu'il y a? Mets-le. Il me disait qu'il voulait acheter 30 albums. C'est une bonne nouvelle. Ça fait plaisir. C'est déjà une première fois. Déjà 30 albums de vendus, ça y est, c'est sûr. T'as déjà 90 appels en 10 minutes. Ah non, mais ça n'arrête pas. Pour Jean d'Ice MC 06 71 60. Voilà, je vais essayer de tous vous prendre, d'accord. Je pourrais pas rester trop longtemps avec tout le monde. On va essayer de ramener parler un maximum de monde. Te mets pas de pression parce que prendre tout le monde, ça va être compliqué. Est-ce que d'ailleurs, tiens, on parlait de 30 albums vendus à l'instant, est-ce que c'est une de tes inquiétudes, justement, la façon dont va partir cet album? Est-ce que t'es inquiet à quelques jours de la sortie? Je suis pas trop dans les calculs, je suis pas trop en calcul vente et tout, combien je vais vendre, combien je vais faire. Je suis surtout dans l'engouement, j'espère que les gens ils vont vraiment kiffer la musique que j'ai fait dessus, que je vais l'entendre partout dans les voitures, dans les chambres des gens. Est-ce que ça tourne déjà dans le 17ème? Ah, bien sûr. Est-ce que le XV Barbare répond présent? Oui. Parce que c'est vrai qu'on va rappeler que toi tu viens de là, hein, le fameux triangle d'or. Hein, exactement. Avec la fourche, notamment pour ceux qui connaissent un petit peu le 17ème arrondissement de Paris. Donc il y a un collectif là-bas qui s'appelle XV Barbare, un collectif d'ailleurs que tu réunis au sein du label aussi. Il y a différents Du label Triangle d'or, oui. Triangle d'or, donc parce que tu as aussi ton propre label. Voilà. Tu es patron, artiste. Exactement. Patron, artiste, producteur, éditeur, producteur, auteur, interprète. C'est quoi le plus compliqué en fait? C'est d'être en studio ou c'est les papiers à remplir derrière? C'est le mental en général. Au quotidien, il faut avoir un mental très solide. Il faut être une montagne. C'est vrai? Et j'assume ça et j'aime ce train de vie. Donc j'ai jamais kiffé la facilité. Donc je peux donc pas m'arrêter. Monter une société, tout ça, etc. Voilà. Alors pendant que des gens arrivent dans le studio. Jacques Mess est dans le studio, dans le studio. Pendant qu'une équipe arrive dans. On parlait d'XV Barbare. On parlait d'XV Barbare justement. Pispa est dans le studio, Pispa Brick Squad. Brick. Il y a une partie, ça va? Bernie. En forme. Et bah, bienvenue à vous tous. Non, je disais, oui, c'est aussi une partie. Puisque tu te fais aider par Universal là-dessus, il y a une collaboration, mais tu n'es pas un artiste Universal. Hein, non. Je sais que tu tiens aussi vachement à ce côté indépendant. C'est vrai. Tu le disais dans tes morceaux. Ça va? En forme? Ouais, voilà, je le disais dans mes morceaux parce que j'ai commencé comme ça et aujourd'hui c'est un peu le fondement de toute cette galère en indé au final. Parce que voilà, en indé c'est pas facile. Et d'ailleurs, je voudrais passer un big up à tous les artistes indépendants aujourd'hui, quel que soit leur domaine musical. Voilà, même des artistes peintres et tout, n'importe. Hein. Franchement, les indépendants, c'est un chemin honorable. Long, sinueux, compliqué. Long, sinueux. Franchement, c'est un grand respect pour tous les gens qui s'en sortent en indé. C'est pour ça qu'il devait avoir une belle fierté maintenant de le voir, là, l'album. Ah oui. Parce que ça y est, tu l'as, il est arrivé, enfin, il arrivera vendredi dans les bacs. Vendredi dans les bacs. Et d'ailleurs, il y a le coffret qui est aussi déjà disponible en préco. C'est un coffret, voilà, il y aura quoi, donc l'album? Alors, c'est un coffret, il y aura l'album. Voilà, un beau coffret grand avec un polo triangle d'or à l'intérieur. Donc voilà. Polo triangle d'or, le coffret, il est déjà en précommande, je suppose aussi, on peut y aller déjà pour essayer de le récupérer. Ouais. Dépêchez-vous, sorti vendredi, on écoute un morceau, Ice? On s'écoute Stoïque. Ouais. Stoïque, tu veux nous dire un mot sur Stoïque? Stoïque, c'est voilà, comme tu me disais tout à l'heure, l'album il est très éclectique. Je me suis mis sur plusieurs styles différents et Stoïque c'est un son que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un son qui se rapproche pour moi plus du vrai rap français comme on l'aime que des nouvelles tendances actuelles. Et bon, on va donc je vous laisse découvrir ça. Et vous jugez vous aussi avec le hashtag IceLMC sur Skyrock. Dites-nous ce que vous en pensez un petit peu des morceaux d'IceLMC qui vont être balancés cette semaine. Il y aura du live aussi tout à l'heure, Ice. Hein. Ouais, un petit live freestyle energy pour vous. Comme je vous l'ai promis. Ça, t'es accro au portable. Déjà, tu le prends, tu le récupères. Ah ouais. Bon, allez, on écoute Stoïque et il va décrocher au 06 71 74 84 15. C'est Ice MC. Je dégaine, je tire, je rengaine again. C'est le retour du vrai rap. 4 septembre. Y'a plus personne. Stoïque. Je dégaine, je tire, je rengaine again. Bip, pas juste. On m'a demandé d'être stoïque. Des traces de griffes sur l'homopathe et le poids de paname sur les deltoïdes. Je suis un ice stéroïde. Je vois les anciens tomber dans l'héroïne. Petit ma gloire derrière d'un acte héroïque. J'terrorise tous mes concurrents, j'ai l'atome de folie dans la plume. Depuis l'époque où j'tique sur tout titre premier. J'parle en l'occurrence de mon assurance. Bico, je savais que la pomme ne tomberait sûrement pas loin du premier. Il serait temps de croquer Paco Rabanne contre un muscle pour mes bico. 45 kilos qui te montent en l'air, une montagne de muscles masqués pour le caïs du siècle. Fourchette à 10 ou 20 ans, ça ramasse les frères à la petite cuillère. Aux assiettes à quelques heures de la floraison. Lumière bleutée dans la nuit, blotti près de la cargaison. La raison l'emporte sur la folie. Sache que je me torche avec leur estime. J'ai les idées noires, pas le rire jaunâtre. Raptor couleur palestine, désertique, Gunter, l'Arizona. Je zonais ivre, rentrais tard alors que maman s'inquiétait. Elle qui m'a toujours dit choisir la femme de ma vie pour sa piété. J'en ai vu de la gamme sur le magasin. Un drame, mes lyrics t'en parlent. Ça me fait mal de les voir renier leur couleur avec le trou de balle. On m'a demandé d'être stoïque. Des traces de griffes sur l'homoplate et le poids de paname sur les deltoïdes. Je suis un ice d'héroïque. Je vois les anciens tomber dans l'héroïne. Petit ma gloire n'a rien d'un acte héroïque. J'terrorise tous mes concurrents, j'ai l'atome de folie dans la plume. Depuis l'époque où j'tique sur du DJ premier. J'parle en l'occurrence de mon assurance. Bico, je savais que la pomme ne tomberait sûrement pas loin du pommier. Je dégaine, je tire, je rengaine again. M'arrêtez pas demain la veille. La folie, les douilles, bas la terre. J'y pense à sac, bagatelle. J'ai pris la vie comme une cicatrice et le métronome comme à tel. C'était pas juste Bico, pour la paix. Bico, j'ai le mental solide. L'impression d'un molossoïde dans la mâchoire et mécher la main sur la machette. Je suis l'ice stéroïde. L'impression d'un molossoïde dans la mâchoire et mécher le doigt sur la gâchette. Du P4 stéroïde. Tous mes concurrents, j'ai l'atome de folie dans la plume. Petit con, passe-moi le micro que je t'apprenne à faire ton métier. J'parle en l'occurrence de mon assurance et des fils de pute qui voulaient ma perte. Je n'ai jamais attendu que vous m'aidiez. Jalousé par la stupe à cause du necro sur les jantes. J'passe en télé le commissaire sans le XV barbare dans son huc. Canon scié dans mon froc, je sens comme un froid sur ma jambe. Chaîne en diamant sur le cou, je sens comme un froid sur ma nuque. La propreté de mon éthique t'irrite, j'envoie des lyrics intemporels. Remballez vos critiques satiriques, j'ai la meilleure plume contemporaine. Bande de prostituées sataniques, vous n'êtes bon qu'à porter line. Goûtez donc à l'automatique, bang bang bang bang. Des traces de griffes sur l'homoplate et le poids de palame sur les deltoïdes. Je suis un ice stéroïde. Je vois les anciens tomber dans l'héroïne. Petit, ma gloire n'a rien d'un acte héroïque. Je terrorise tous mes concurrents, j'ai l'atome de folie dans la plume depuis l'époque où je kickais sur du DJ premier. Je parle en l'occurrence de mon assurance pico. Je savais que la pomme ne tomberait sûrement pas loin du pommier. Je dégaine, je tire, j'en gagne, again. M'arrêtez pas demain, la veille, la folie, les douilles de bas. La terre, j'y pense à chaque bagatelle. J'ai pris la vie comme une cicatrice et le métronome comme Attel. C'était pas juste pour la paix. Je dégaine, je tire, j'en gagne, again. Je dégaine, je tire, j'en gagne, again. J'y pense à chaque bagatelle. Je dégaine, je tire, j'en gagne, again. C'était pas juste pour la paix. Stoïque, c'est le retour du vrai rap français. Ice Slam Steve. Dédicace à mon gars Bloca. Ice LMC, Lord des Rois à l'instant avec ce morceau donc qui s'appelle Stoïque. Voilà, morceau Stoïque. Qui a bossé sur les sons avec toi et notamment celui-ci? Sur celui-ci c'est Dreamcut. Dreamcut et Whistla. Après il y a des prods de Will Star. Il y a une prod de DJ Belek qui est une grosse prod sur Omerta. Il y a une prod de Maze. Voilà, gros big up à Maze qui a fait l'instru de Millionnaire. Donc voilà, gros beatmaker. Et sinon ouais, c'est en général je travaille toujours un peu avec les mêmes personnes, avec la même équipe ouais. Mais qui te propose des sons différents, c'est ce qu'on disait. Ouais, hein, exactement. Il y a quand même pas mal c'est de pour ça choses. Que ça prend du temps, tu vois. J'aime bien faire la musique sur mesure. T'as enregistré beaucoup de morceaux sur celui-ci, sur cet album. Il y a combien? Il y a 16 titres en tout. Il y a 17 titres en tout sur ouais, cet album. J'en avais fait plus de 35. 35 morceaux. Et j'ai dû choisir ceux-là. Les autres, c'est quoi? Les autres sont là, ils sont de côté. Tu les gardes? Je les retravaille. Tu vois, ils sont pas aussi travaillés que ceux-là. Donc j'ai vraiment fait mon choix, j'ai trié. Je pense que j'ai fait le meilleur choix que je pouvais faire au niveau des tracks. C'est vrai que beaucoup de gens, et puis on est dans une époque où il faut aller très très vite. Toi, c'est vrai qu'il y a grosso modo, c'était quoi le dernier projet? Il y a un an, ça devait être en juin 2013. Il y a 2014. Deux ans, c'était Electron Libre. Ah oui, c'est Electron Libre. En 2013. C'était 2013 déjà, ouais. Ouais. Et deux ans pour faire ce projet, est-ce qu'on te poussait justement? On te dit, vas-y, il faut que tu sortes un truc, faut absolument. Ouais. T'avais cette pression là aussi? Ouais, j'y pensais beaucoup. Mais je me disais que fallait pas se presser et négliger sa musique pour autant. Juste pour revenir dans le game et c'était vraiment juste pas pour ça. C'était voilà, moi je veux vraiment qu'on respecte ma musique, qu'on respecte le travail fourni. Et je trouve que c'est encore plus important que d'être présent, quoi. Il y a eu quoi aussi sur ces deux ans? T'étais faire quelques scènes aussi? Il y a eu quelques concerts? Il y a eu une grosse tournée, ouais. une grosse tournée Electron Libre de plus de 90 dates. T'as appris quoi? Est-ce que t'as appris des choses d'ailleurs sur la tournée? J'ai appris beaucoup de choses. En vérité, c'est là où j'ai vraiment rencontré mon public. Et moi j'aime beaucoup beaucoup la scène. Sur scène, je suis une pile électrique, je mouille le maillot grave, grave, grave. Comme je le dis tout le temps, j'ai envie de devenir le meilleur sur scène. Voilà, le meilleur en France. Et je travaille comme un fou pour. Là, il y a une nouvelle tournée qui arrive. Voilà, que j'ai annoncé d'ailleurs sur mon Facebook. Donc n'hésitez pas, tous ceux qui n'ont pas mon Facebook, voilà, c'est Ice LMC tout simplement. Ice LMC, allez avec, faire un tour. Le petit truc certifié bleu. La petite virgule bleue. Le petit logo bleu. Voilà. Donc c'est le vrai, c'est le Ice LMC où il y a toutes les infos officielles. Toutes mes infos officielles. Et justement, il y a les dates de cette tournée. C'est quand le début de la tournée? Tournée Lord des Rois. Ça a commencé en vérité. Et il y a une date à la Cigale le 29 janvier. Donc 29 janvier 2016. 29 janvier à la Cigale. Voilà, allez-y. 29 janvier 2016. Venez nombreux, venez nombreuses. On va foutre le feu. Ça va être encore plus ouf que vous imaginez. Bon, on va continuer à découvrir évidemment cet album. On passera des morceaux. Il y aura du live dans un instant. Un petit point aussi. Tiens, un petit mot pour ceux qui vont faire. Parce que toi, je sais que tu étais très loin dans les études. Ice, t'as été très loin. Hein, au moins des. Ouais, je suis au moins jusqu'en troisième. Jusqu'en troisième au moins, non? C'est ça. Hein. Non, en tout cas, si. Ouais, si mais j'ai, c'est la si rentrée j'ai un... demain. C'est la rentrée c'est la demain. La rentrée, si j'ai un mot à dire aux petits frères, c'est que voilà. Même aujourd'hui, en ayant, si on peut le dire, réussi dans la musique. Ben, je regretterai toujours mes études au final. Parce que voilà, même si il y en a qui le font pour leurs parents, mais fais le même pour toi. fais le même pour ça, toi. Ça, c'est un regret, toi, d'avoir justement arrêté tôt de... Ben, c'est... J'ai toujours ce petit regret quand même parce que... Parce que je sais que voilà, j'aurais pu aller loin. J'aurais pu aller loin et faire ma musique quoi, en même temps. C'est-à-dire que le système te correspondait pas, quoi. Le système. Ouais, tu connais, tu sais, avec le collège, l'influence, tu sais, la musique qui m'avait bouffé un peu. Moi, je suis bouffé par la musique, je suis bousillé, tu vois. Donc, t'avais déjà la musique, quoi. T'es... Voilà, j'étais déjà à fond dedans et tout, mais j'aurais pu faire des études et continuer la musique, avoir mon bac, voilà, etc. J'aurais pu. Et aujourd'hui, je serais encore plus fier de ma carrière. Donc gros pas. Conseil aux petits frères et même aux petits frères qui rappent, pensez pas que parce que vous rappez ou parce que nanana, faut négliger les études, c'est des conneries, ça. Et puis chacun aussi son parcours, c'est vrai que toi, voilà, t'as toujours rappé même très tôt. On est des millions, on a des millions à essayer de percer depuis des années. T'as commencé quoi, 10-11 ans, c'est ça ? À 10 ans, ouais. 10 ans, tu commences. 10 ans, voilà, je savais ce que je voulais faire. Mais voilà, tout le monde n'aura peut-être pas le destin d'un ex-MC. Voilà. C'est quelque chose de compliqué. Donc c'est pas facile. C'est bien d'assurer ses arrières parfois. Exactement. Et bah bonne rentrée en tout cas à vous tous demain, si c'est le cas pour vous. Après, on va arrêter d'en parler de la rentrée. Ouais, bonne rentrée. Ça gaffe, mais quoi que. Généralement, moi, je me souviens, j'étais content de retrouver les potes et tout la rentrée. Ah ouais, c'est bien. C'est un moment où tu retrouves les potes, t'es assez content en fait. Hein, ce que la daronne, elle aura acheté une nouvelle paire de baskets. tu vois. Bon, après, tu vois la gueule des profs, c'est un bien. Peu moins content parfois. Ouais. Mais sur la rentrée, tout ça, le premier jour, faut en profiter. Donc bonne rentrée à vous tous avec le son de Skyrock. SMC est là pour sa rentrée. L'album, c'est vendredi, c'est l'heure des rois. Qu'est-ce qu'on mettra dans quelques minutes, Ice? Je crois qu'on va se mettre Les Mauvais Garçons Dansent. Et bah bougez pas, vous avez peur de découvrir ce morceau. On vous attend aussi au freestyle et puis la roulette. Si vous voulez faire tourner la roulette, des places pour la tournée de Maître Gims à choper, c'est dès maintenant avec votre prénom, numéro de téléphone, par SMS 41 759. Inscrivez-vous, on fait tourner d'ici une petite demi-heure. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ladies and gentlemen, ce soir, Planète Rap. Ice LMC de retour dans Planète Rap sur Skyrock avec l'album L'Or des Rois. Ça arrive. Yeah, L'Or des Rois, 4 septembre, vendredi, ça sort. C'est la guerre cérébrale. 4 septembre, sortie de cet album qui est en précommande déjà. On peut y aller, on peut cliquer pour l'avant. Exactement, vous pouvez y aller, vous pouvez l'avoir tout de suite là. Tiens, décroche un petit peu le téléphone en direct là, ça n'arrête pas. Pourquoi d'appeler pas au 06 71 74 84 15. Le téléphone d'Ice MC toute la semaine. Vous pouvez le joindre sur ce numéro de téléphone, c'est le numéro Planète Rap, ce portable. Allez, qui s'échange parti. De rappeur en rappeur, d'invité en invité. Alors, attends. Allô. Allô. Ah, ça gueule à la maison. Allô, tu m'entends? Ouais, ça va. Ça va ou quoi, Bico? Tu viens d'où, mon frérot? Aïe aïe aïe, Chambéry, ici, là-bas, c'est Chambéry. Ski. Je vais faire un clip là-bas, il va s'appeler Ice Lemski. Ice Lemski, bientôt, cet hiver. On est en direct, frérot, là, on entend ta voix sur Sky, là. Là, tu peux big up ta famille et tout, t'inquiète, vas-y, fais 2-3 dédicaces si tu veux. Ah, big up ma famille, mon tonton, ma marraine, tout le monde. Si, c'est ça, mon gars. Est-ce qu'ils vont tous acheter l'album d'Ice Lemski, toute la famille? Surtout Frérot de Skyrock, je l'ai appelé pour le Planète Rap de Mac Taylor. Ah bah dis donc, t'arrives tout le temps à passer toi. Ah bah t'es vif hein. Ah oui, c'est... Ouais, il est incroyable parce qu'il appelle et c'était pour inaugurer d'ailleurs le téléphone avec Mac Taylor. On avait fait ça il y a quelques semaines. Vous déchirez, c'est du lourd. Voilà, j'aime bien le niveau du téléphone français. Voilà. Ah bah, c'est pour joindre tout le monde en direct. Voilà la preuve à l'instant. Ice Lemsi. Tu veux quoi? Il veut faire un freestyle? On va le rappeler pour le freestyle parce que là on a du mal à entendre. Ok, on va te rappeler, frérot. Il y a du monde derrière. Il y a du monde derrière. Et pour joindre Ice MC, c'est 06 71 74 84 15. Merci en tout cas au poteau de Chambéry. On attend donc la version de Ice Lemski, c'est ça, pour cet hiver. Ouais, Ice Lemski. Sur vos meilleures pistes. Ouais. Très bien. Préparez la piste noire. Là, en attendant, on va écouter un morceau qui s'appelle Les Mauvais Garçons Dansent. Un morceau qui est né comment, celui-ci? Mauvais Garçons Dansent, en fait, je l'ai écrit en boîte pour être franc. Ah, c'est toi, t'es un mec qui arrive à écrire en boîte? Moi, j'écris partout. Ça se trouve, là, tu me parles, je suis en train d'écrire, là. Ah, bah, t'es dans ma tête. Dans ta tête, ouais. Non, je l'ai écrit en boîte. Ah, tu te souviens précisément, t'étais en boîte? Ouais. Il y a des morceaux, je me rappelle plus quand je les avais écrits. Mais celui-là, ouais. C'est en vérité les sons électro. Je trouve souvent des mélodies et je trouve souvent des flows en boîte quand je vais, tu vois, que j'aille pour chanter ou que j'aille avec mes amis pour m'amuser, tu vois. Et là j'étais même pas allé chanter, j'étais parti avec des amis pour m'amuser. C'est un peu comme moi, c'est vrai que quand je suis en boîte je trouve tellement de trucs mais je m'en souviens jamais le lendemain. C'est un truc particulier. Bah faut mettre dans les notes iPhone, tu vas dans notes et t'écris tes textes. Ouais, mais après il y a des trucs que j'arrive pas à lire hein. J'ai beau écrire des trucs, j'arrive pas. Toi ça a marché a priori. Ouais, ça marche. Donc celui-ci est inspiré par les musiques, par les sonorités de ouais, la boîte. Parce que je trouve que les gens ils ont beaucoup de préjugés sur les mecs de la street qui vont en boîte et tout. Mais nous aussi on sait s'amuser, tu vois, on n'est pas bon qu'à faire que les sauvages, à faire que des dingueries, tu vois. On sait s'amuser aussi. voilà, on sait respecter les on autres. On sait se tenir, quoi. On sait se tenir, ça. Tu vois. On n'est pas des animaux, tu vois. Donc voilà, c'est un peu le délire du son, c'est ça. Et ben on va l'écouter maintenant. Les mauvais garçons ambiance ta boîte, Biko. Vous réagissez avec le hashtag IceLMC sur Skyrock. Allez, levez-vous dans les chambres. Les locas. Faut bouger les bassins. Les mauvais garçons dansent, Biko. XB Bagdad. Ils ont tenté de m'interroger, mais je n'ai jamais crié des fêtes, je suis pas du genre à gémir. Ils ont tenté de m'enterrer, mais je suis une graine de génie. Je n'ai que ma fierté, mon savoir et mon drapeau d'Algérie. Jamais je n'ai crié mon appartenance. Jamais je n'ai cessé de m'oxygéner d'insonance. Quitte à courir à ma perte avec pertinence. On est dans la partie même, les mauvais garçons dansent. Calibre à l'abdomen, serre de la glace au boss. Les mauvais garçons dansent, on se fiche d'être beau gosse. Les mauvais garçons dansent, venus de loin, le ghetto nous éduque à tous de la même façon malgré nos différences. Les mauvais garçons dansent, je vais danser jusqu'à demain. Mes bics au black, au blanc, au loco vont danser jusqu'à demain. Loca, je te prends par la main, tu sais déjà que nous partirons ensemble au petit matin. Je vais danser jusqu'à demain, mais bico, placo, blanco, loco, on va danser jusqu'à demain. Loca, je te prends par la main, tu sais que nous partirons ensemble au petit matin. On oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. Balenciaga, nous boutons, j'aime payer des joints de bœuf. Ce soir, on oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. Au Four Seasons, ma bitch est fraîche. Cette nuit je m'appelle Stevens à cause d'une fiche de recherche. Mauvais garçon sur la piste avec un whisky sec. Laisse-moi kiffer la musique, représenter le 17. Détendez-vous, je viens m'éclater, pas montrer le biceps. A chaque fois qu'elles atteignent mon blaze, elles demandent du sexe. Tiens les murs depuis des années, je veux plus voir misère. Je veux visiter la planète et changer d'hémisphère. Génération d'hommes élevés par des femmes. Génération de femmes qui s'assument comme des hommes, ayant du mal à distinguer la lumière des flammes. Génération qui refuse de recevoir des ordres. Génération freelance de province ou de Paname. Cette semaine je fais des dollars, samedi soir je danse. C'est moi, je finance, range ton oseille. Caray, on n'est pas bon qu'à racagner, les mauvais garçons dansent. Je vais danser jusqu'à demain, mes bico placo blanco loco vont danser jusqu'à demain. Loca, je te prends par la main, tu sais déjà que nous partirons ensemble au petit matin. Je vais danser jusqu'à demain, mes bico placo blanco loco vont danser jusqu'à demain. Loca, je te prends par la main, tu sais que nous partirons ensemble au petit matin. Ce soir on oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. Balenciaga, nous boutons, j'aime payer des joints de bœuf. Ce soir on oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. Les mauvais garçons dansent. Les mauvais garçons dansent. Les mauvais garçons dansent. Les mauvais garçons dansent. Les mauvais garçons dansent. Ce soir on oublie la street, on s'amuse un peu. On s'amuse un peu, Balenciaga, Louis Vuitton, champagne et Joanne Buzz. Ce soir on oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. Pour tous les mauvais garçons. Les mauvais garçons. Nous aussi on sait s'amuser. Et on prend plus de bouteilles que toi, Biko. Ha ha ha. Mauvais garçon. Ça c'est pas sûr pour les bouteilles. Le son sur Skyrock entre 20 et 21, celui d'IceLMC avec Lord des Rois. Tiens, je suis en train de regarder les réactions. Je l'aime bien celle-là. Il déboîte grave le morceau. Continuez à balancer vos messages avec l'hashtag IceLMC sur Skyrock. On écoutera encore un autre titre. Il y aura un live aussi dans quelques minutes. Ice, tu nous balanceras quelques. Il y aura un live. Quelques punchlines d'ici quelques minutes. Spécial pour mes locaux. À pas louper. Juste avant, je te présente Alexis de Lyon. Salut Alexis. Ça va Alexis? Salut. En pleine forme, Alexis. Tu viens de Lyon, tu viens de Lyon, Alexis? Yes. Hey, vendredi, je suis à Lyon, Red Room. Vendredi soir. Vendredi, à 3h du match, je serai là, mon gars. Ah, il y a moyen d'avoir une place gratuite. Bien sûr, frère, je vais te faire payer une photo quand même. Hein. Ah, bah, il n'y a pas de souci alors. Tu connais le Red Room? Ouais, je connais. C'est le rendez-vous de vendredi soir. Eh ben, Lyon. Ah, bah, il n'y a pas de souci. IceLMC du côté de Lyon, vendredi soir. Voilà, pour tous mes Lyonnais, toutes mes Lyonnaises qui savent qu'à chaque fois que je viens, on met le feu là. Ah, c'est trop. T'as déjà vu IceLMC, Alexis, en vrai ou pas? Non, mais je suis pas mal à IceLMC depuis l'époque des Frères Lumière. Il est là, volte-face d'ailleurs. Ouais, il y a volte-face là dans les studios. Hein. Prends le micro. Dédicace aux Frères Lumière alors. Les Frères Lumière, ouais. Les Frères Lumière avec volte-face. Ce qu'on trouve sur l'album aussi, évidemment. Bien sûr, volte-face dans le son Mes Ennemis, un gros son. Donc voilà. Voilà, toujours présent pour soutenir le frère Lumière, c'est normal. Ça va? Ça va, quoi? Bah écoute, en pleine forme. Ouais, je suis un peu venu en impro là, mais. Je vois. Ça fait plaisir de te voir. Ça a été le bienvenu. Merci, ça fait plaisir. Tu vas me voir souvent la semaine. Et bah voilà, Alexis, donc il y a tout le monde. Ah bah c'est impeccable. Est-ce que tu es prêt à nous lâcher un petit freestyle, Alexis, ou un gros, comme tu veux, c'est parti. Un gros, je pense. Vas-y, montre-nous ce que t'as dans le vent. Allez, allez. Les Lyonnais, le 6-9. Yeah. Ok, à ce qui cœur. Yeah. Tout d'abord, désolé si je vous choque, mais la vérité vous fera l'effet d'un électrochoc. Je suis là pour dire des vérités qui ne pèsent pas forcément, mais je veux me confier pour pouvoir vivre sereinement. C'est dur de pouvoir respirer dans ce monde de parachute quand l'état est posé tranquillement sur tes côtes. Marine Le Pen, alias Hitler des temps modernes, veut la France aux Français pour qu'elle puisse dormir sur ses deux oreilles. De nos jours, les gosses sont de plus en plus dévergondés. Ne soyez pas choqués si on voit des sardines que c'est s'incruster. Les jeunes tisent et fument des joints à gogo. Après, on s'étonne qu'une génération soit gogol. Le monde me fait de plus en plus pitié, surtout bien que le chômage a atteint le sommet. La pauvreté touche beaucoup plus de monde, mais la pauvreté tue aussi plus de monde. Ne nous étonnons pas des jeunes de demain, quand on sait que leur modèle s'appelle Nabila. Le chétan est une meuf qui t'aguiche avec ses atouts. Si tu acceptes sa proposition, tu tomberas au fond du trou. Être au fond du trou, les mecs doivent tellement kiffer ça qu'ils paient une pute pour la baiser et se font la marre. Évidemment que les mecs ne sont pas tous comme ça, sinon la France pourrait finir en partout général. J'aimerais que les enfants évitent de m'écouter. Je ne veux pas que vos bouches ressortent mon franc parler. Ok Alexis, du côté de Lyon. Merci voilà, à toi Alexis. Aïe, aïe, aïe. Merci, merci pour le freestyle, poteau. Bah, franchement, il n'y a pas de soucis. C'est un honneur et tout pour Ice Slim City, tout aïe, ça, aïe. Lors des Rois le 4 septembre. Et vendredi, vendredi au Red Room. Vendredi à Lyon. Vendredi, ouais. À bientôt Alexis, c'est quoi, c'est la reprise pour toi? Tu t'es en vacances, tu fais quoi? Non, là j'ai fini, je vais commencer à bosser tranquille et puis voilà. Eh bah, bon courage et à très vite du côté. Il y a juste possible de faire une petite dédicace. Et on t'écoute. Juste voilà, je passe une dédicace à Authentique, mon Gava et tout, toutes les personnes qui me suivent, ma famille, tout ça. Et rendez-vous le 4 septembre pour l'heure des rois, c'est tout ce que j'ai à dire. Jour de la sortie. En plus, il sera dans ta ville pour le jour de la sortie, Ice. Ah ouais. Bah, impeccable, parfait. Hashtag les vrais locaux le savent. Ouais. Merci à toi Alexis, en freestyle l'instant. On balance un morceau, on fait le live après Ice. Yes. On part sur quoi? Le XV Bagdad. Allez c'est parti, XV Bagdad. Tu veux dire un mot sur celui-ci aussi, sur le XV Bagdad? Ah, XV Bagdad c'est un peu voilà notre manière de vivre. C'est rentre dans le XV Bagdad et t'es pas sûr d'en sortir, tu vois. Eh bon, on va l'écouter. J'espère en sortir dans 3-4 minutes, c'est ouais. Parti. XV Bagdad. Ouais, tous les haps. Rien qui part, ça me désole, c'est pas des hommes. Moi, c'est bien moi, le TZ qui t'est traîné sur le sol. Je donne les ordres, on m'escorte. Babson! Les sont baisés, pas sûr que d'ici tu ressors. Blanca! Les forces de l'ordre me délogent, envoyer de la bonne zèbre à mon petit retrait vol. Je m'endors. Ouais, Vegas! On dort sous terre, ma foi que Bico, y'a rien dans le corps. Des bacs dans la voiture. Donc un dans la nature, trois bigots en filature. Il s'agit d'une inestimable peinture. On fait partie de ces physiques ingrats que la solitude a condamné sur l'asphalte. Triangle d'or. Je m'importune si ta pute s'est tatouée High Slam 6 sur la chatte. Bitch. X le baby, le PIB. De la drogue t'as les Pays-Bas. Je rends visite à mes ennemis calibrés sans avoir inhalé de Beida. Je veux sortir mes types de la street. J'ai pas le public Dynamo Jar. Je veux pas m'éterniser, je connais la suite. Et je ne vendrai pas mon âme au Jar. Assolant ces rythmiques tellement assolants que t'aimerais voir nos possèdes éclaircir. Assombris génétique d'un VA, c'est l'heure où on me surnommera Ice Lame. Si me désire tel pour ce que je suis, me désire tel pour ce que j'ai. L'opinel est dans ses parésies. Elle se servira de ce que j'aime, de ce que j'aime. Je prends mon indépendance comme l'a fait mon peuple avec la puissance colonisatrice. Ice, ta tête est mise à prix. Tu provoques l'idolâtrie. Je voulais représenter la misère, la déchéance, les frères en ont pris. Je voulais saisir ma chance au corner, j'avais peur de ne rien faire de ma vie. XV barbare, j'ai donné ma jeunesse à la Rubik, au black, au blanc, qu'on reconnaisse, qu'on renaisse. D'autor en train de virer en cambolesque, un Algérien, trois bétails, une arme de l'Est. Il me suffit d'un zeste de génie, mon flow vient de Los Angeles. C'est la MS-17 qui saisit tes tronlits, ton or est ta Rolex. Que la juge nous relaxe. Que mes bicos renaissent. Trois balles dans ton thorax, torse nu sur tes max, t'as retourné ta veste. Que la juge nous relaxe. Que mes bicos renaissent. Trois balles dans ton thorax, torse nu sur tes max, t'as retourné ta veste. Je réanime le rap game, mon défibrillateur grimpe dans la Cooper Beats. Je défile les délateurs, prestigitateur, arrogant, jeune et riche. Énervé dans le square, en discours calibré sous un ciel sans étoiles. T'as dénoncé ma squad, pour qui t'enlèves les vrais bicos, disent que c'était toi. Je connais pas le désarroi, je fais partie des rois sans effroi, je les froisse. J'ai grandi dans des droites, cache l'escale, mes ennemis s'attendent aux têtes. je vais de carpe diem. L'attitude est parisienne, j'ai fait rouler du jaune à trama norvégienne. Ferme la curva, tape, y'a ta cocaine sur la table. J'ai le mental d'Ali, la pointe, l'arabe vous attaque. Ferme la curva, tape, y'a ta cocaine sur la table. J'ai le mental d'Ali, la pointe, l'arabe vous attaque. X-Pay, pay, pay, pay, pay. De la drogue t'as les Pays-Bas. J'en visite à mes ennemis calibrés, sans avoir inhalé de Beida. J'veux sortir mes types de la street. J'ai pas les publics Dynamo Jar. J'veux pas m'éterniser, j'connais la suite. Et je ne vendrai pas mon âme au diable. Assolant c'est rythmique tellement assolant que j'aimerais voir nos peaux s'éclaircir. Assombri génétique d'un VS, alors on me surnommera Ice Lemsy. Mes désirs tels pour ce que je suis. Oui. Mes désirs tels pour ce que j'ai. J'ai. L'opinale est dans ce parésie. Oui. Elle se servira de ce que j'aime. De ce que j'aime. XV Bagdad à l'instant, un des gros morceaux aussi de l'album celui-ci. Hein. Un gros gros morceau, ouais. Prod Will Star, voilà, énervé. C'est où tu te casses la voix dessus quand tu fais celui-ci. Ouais. Exactement. Assolant, c'est rythmique tellement assolant, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On envoie. Ça envoie sec en tout cas sur cet album qui s'appelle L'Or des Rois. L'album sort vendredi 4 septembre. Ice Lemsy avec nous. Yeah. Et on va attaquer le live si tu es prêt maintenant. On va attaquer le live. C'est quoi ce texte? Je l'ai écrit spécialement pour les locaux. Donc exceptionnellement, je vais lire un peu en même temps que je vais rapper. D'accord. Donc ça, c'est tout frais celui-ci. C'est tout frais. Et bon, on y va quand tu veux. C'est parti, c'est sur live dans Planète Rap. Ok, maintenant, on voit Ice la prod. Lemsy. Yeah, le 4 septembre, c'est le retour du rap, Biko. Merci à tous ceux qui l'ont précommandé. Merci à tous ceux qui vont le prendre vendredi. On est ensemble. Je dédicace ce putain de chômeur bâtard à mon gablo. Pour les frères avec qui j'ai soulevé coffre fort et tableau. Quelques gouttes suffisent largement, demande d'abord c'est calbo. Même quand je suis sous champagne, série d'abdo. Prends mon retour comme une renaissance, Kurt Cobain. J'ai loco de Singapour et des cultures de Bodrum. Virage et chapeau de roue, prends le volant, roule, roule. T'entends que bang bang, après le vroom vroom. J'arrive comme une reprise de Fégouli dans les arrêts de jeu. Je n'associe personne à Dieu, me regarde pas comme si j'allais tcheux. J'ai le QI qui dérange tout ce game de rageux. Je traîne avec des rageux, on est les gravons de l'arche. Sourire de Kabili, je fais pas de pitié pour les Halkiputo. Va te faire Arakiri, je fais pas de micro sur les paquis. Cavani, Bayern ou Pepsi du même pilon viennent les paquets. Pas confiance en l'être humain, je me confie sur le tapis. Ces semelles sont rouges, cette pute a marché sur mon cœur. As-tu vu la mort te regarder d'un air moqueur? Accreuse hypocrisie dans ton regard de donneur. Tu veux la peau de l'MC, faut te lever de bonheur. Dis bonjour au nouveau riche, bitch, bitch. D'un regard le jeu se fiche, fiche, fiche. Tu crois que tu vas la baiser, t'effonces et tu lui parles dans l'oreille de ta vieille gueule, elle se fiche, fiche, fiche. Tête à tête, j'enlève mon t-shirt et je me transforme. Bitch, tu veux qu'un j'arrache ton legging, je te transporte. Tout le monde sous liqueur, les petits font plus trop de sport. De barrette en barrette, répétoire et les lits transforment. A toi qui a plus de péculé qu'on transfère. Qu'à souffert, un jour tu sortiras par la grande. Un étrange frisson me traverse. A chaque fois je te souhaite une longue vie, because je me souhaite la mort. T'as retourné ta veste, Ice. On te reconnaît plus. Qu'est-ce qui spice? Moi je vais te dire ce qui spice, enfoiré de Biko. C'est que quand je reviens, c'est pour leur faire mal. Ice, t'es chez ta nest, t'as retourné ta veste. T'as pareil de cela sur la chatte à ta mère. Parabelle à ma boue portant dans la boîte crânienne. Short Guantanamo, je vais refaire sauter le rap game. J'savoure un caramel, je butine un Jack Daniel. Je retrace ma haine, je retrace ma haine, je trace ma haine. J'baise une Australienne, j'suis toujours calienne. T'es si l'ennemi se ramène, bitch. Tu crois que le triangle dort, mais le triangle dur, mon infanterie s'accroche. 10 000 dans la sacoche, on écorche ce snitch avant même qu'il n'approche. T'as plus de sort de ma Porsche, on a de l'oseille à gauche pour faire trancher ta gorge. Pute. T'as plus de sort de ma Porsche, on a de l'oseille à gauche pour faire trancher ta gorge. Triangle d'or, c'est le retour du raton. Sprint tout le marathon, mon verre est ambigu. C'est Biko, pense à Bourbier, ma son of Bigo. C'est Biko, se croit Bourbier, je sors le bidule. Jazz, Ailey, père de Jays. Tu pleures des larmes de braise. Jazz, 31 dièse. Ramène mon oseille ou je te baisse. J'ai dit Jazz, Ailey, père de Jays. Tu pleures des larmes de braise. Dièse, 31 dièse, ramène mon oseille ou je te baisse. Sors du bâtiment 17 armé d'un Mac 10. Je suis pas qu'un artiste, tout brosé sur la A10. La volaille est hors piste, alors que je laisse élargisse. Tellement de buzz que je baisse la boulangère et la factrice. Je neutralise guerre, je traumatise, bref, je fais les nerfs, mixtep. C'était plus un mystère, triangulaire hémisphère. Pour y faire les business, les rappeurs attrapent mes chevilles sur l'échelle de Richter. Plus fidèle à mon micro que Newton à sa pomme. J'ai toujours pas fait d'album, L'Or des Rois, je suis en vie. D'alcool, t'as sombré dans l'alcool, galbé comme un joint de com. Ça part en vrille, si tu me cherches, c'est moi qui te trouve. Et si Si tu me parles, c'est moi qui te couvre, tu les baises mal. C'est après moi qu'elle court, à Bellecour on utilise la violence en premier recours. Hold up, averse de Rosé dans ton brushing. Monte Cristo dans le carré du cristal, demande un air de maillot, dire doux Bushi. Si tu te fais mignon chez nous, y'aura pas d'histoire. X fait barbare, c'est la squad, coca tombe en flocon, flacon sky pour éponger ma soif. Y'a des mortiers, le quartier ne dort qu'à moitié, je me bats comme à Poitiers, torse nu dans le squat. Moi qui n'ai connu de ma vie que le ciel de Panama, celui des Hessimsoud. J'rappe silence des pénitents, c'est le giro des ambulances, c'est les valeurs qu'on a dans le hood. Moi qui n'ai connu de ma vie que le ciel de Panama, celui des Hessimsoud. J'rappe silence des pénitents, c'est les valeurs des ambulances, c'est les valeurs qu'on a dans le hood. Pico, 4 septembre, c'est la guerre. Où sont les rappeurs? Ça c'est dans leur nerf. Yeah yeah yeah yeah. Merci Fred, merci Sky. C'est l'échauffement de début de semaine. On va faire ça encore mieux demain. Jusqu'à vendredi, ça va être le feu sur Sky. Merci à tous ceux qui ont précommandé l'Ordre des Rois, qui seront là le 4 novembre. Oh là là, Electron Libre marqué, frère. Voilà. Qui seront là le 4 septembre. Et allez voir le nouveau clip qui est sorti aujourd'hui à 18h, L'Ordre des Rois. Voilà, un morceau que j'apprécie beaucoup. Continuez à appeler sur le téléphone, je l'aurai toute la semaine. Voilà, tous ceux qui veulent me joindre, moi je suis là, je suis toujours présent pour mes locaux, pour ma Islam Team. N'oubliez pas, c'est 06 71 74 84 15. C'est le téléphone d'ICMC. Voilà, c'est mon pendant numéro. Pendant cette semaine. Pendant cette semaine, c'est pour vous. Non, mais en fait, après, je le garde. Bon, en tout cas, bravo pour ce live, hein, parce que tu disais que c'est un échauffement, mais c'est déjà. Ouais, ouais, merci beaucoup. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est incroyable, et on le ressent aussi sur l'album, c'est ce changement de flow voilà, en permanence que tu peux avoir. Ouais, j'essaie. Je me demande à chaque fois combien t'en as de côté, de réserve, et la façon dont tu travailles, justement, le fait, parce que c'est aussi c'est un sacré boulot aussi. Ouais, parce qu'en fait, je peux prendre une phrase et la chanter de plusieurs manières différentes. Ça veut dire que je peux la chanter normale, comme je, voilà. Après, j'essaie de m'amuser, voilà, sans tout en restant sérieux, en restant pro. Et voilà, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, les meilleurs sons que je puisse faire. Quoi. Et ben, vous pourrez découvrir tout ça dans L'Or des Rois. C'est l'album qui sort vendredi, 4 septembre, et non pas 4 novembre. Hein. C'est, ouais. C'est bien là, hein, c'est pas décalé. C'est bien. J'aime bien les 4. Ouais, c'est ça, il y a un truc. Mais là, en tout cas, c'est en fin de semaine, 4 septembre, sortie de L'Or des Rois. Et puis le clip, ouais, tu disais, il y a un nouveau clip qui est arrivé, il y a de l'image qui arrive. Voilà, il y a un nouveau clip, voilà, Ice MC, L'Or des Rois, sur YouTube. Voilà. Pour tous ceux qui ont regardé le clip, voilà, tous ceux qui ont précommandé l'album, comme je l'ai dit, tous ceux qui vont aller le chercher, merci pour la force. Voilà, même ceux qui n'ont pas les moyens de l'acheter ou qui ont des petites galères et tout. Voilà, t'as vu, si tant que tu l'écoutes, moi ça me fait plaisir. Voilà, soutiens comme tu peux. C'est la High Slam Team, tout le monde est bienvenu. High Slam, si l'Or des Rois, et puis on finit avec le morceau Millionnaire maintenant avant de faire tourner la roulette, c'est parti. Yeah, yeah. Elle est plutôt mignonnette, mignonnette, mignonnette. Elle a plus d'une marionnette, marionnette. L'Or des Rois. Elle est plutôt visionnaire, visionnaire. Vendredi visionnaire. 4 septembre. Millionnaire, millionnaire, millionnaire. Oh, bitch I don't care, bitch I don't care. Lâchement don't care. Rendez-vous samedi à Sniper Shop. Bitch I don't care, lâchement don't care. Par la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, une dot à un millionnette. Elle a fait des kilomètres pour faire de lui sa marionnette. Elle aime les bico malhonnêtes, les suppléments mayonnaise, le veuf qui colle la monnaie. Elle fait monter le baromètre. Très souvent ivre d'après ce que j'entends. Cette pétaille s'arrive toujours dans le carré VIP en chantant. Oh là, moi c'est Ice, le boss enchanté. Tu dis ne pas me connaître, mais tu fais semblant. Michto, elle veut me ligoter. Elle ne mérite pas mieux qu'un hôtel miteur rigoté. Elle peut pas chipoter, elle sait que je suis coté. Tu rêves de te faire un blaze à travers mon épauté. Poupée. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâche mon dumb père, c'pas la taille à ton père. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâche mon dumb père, c'pas la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. 4 septembre. Elle fait l'amour comme une femme, une fois qu'elle a vidé ton magnum. Elle prend la vie comme une fable, champagne en fontaine pour madame. Reconnue dans tous les clubs et les grands hôtels de Marseille à Paname. Tu cèdes à ses petits caprices, ses talents de petite actrice. Elle te laisse une cicatrice, ou te ramène en psychiatrie. Elle recherche un millionnaire, toi t'es juste une marionnette. Qu'elle emmène chez Marionneau, qu'elle mène à la baïonnette. Tu sais plus sur quel pied danser depuis que t'es devenu son bolos. Elle attend que tu te fasses péter pour péter les clés du gamos. Coupé, le genre femme à redouter. Tu rêves de faire un blaze à travers mon épopée. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâchement don't care, c'pas la taille à ton père. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâchement don't care, c'pas la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâchement don't care, c'pas la taille à ton père. Bitch I don't care. Bitch, I don't care. Lâche-moi ton père, c'est pas la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. Ice LMC avec ce morceau millionnaire aussi. Ouais, Free Dino, libérez Dino, libérez Dino, Johnny, le pilote du XV Barbare. Ah, il fallait que je le dise, c'est tout. Eh ben, une dédicace au pilote du XV Barbare. Une partie du XV Barbare qui est là aussi avec, avec nous dans le studio. Volteface, on le disait aussi. Voilà. Qu'on peut retrouver, hein, on peut tout, retrouver tout le monde d'ailleurs sur, sur l'album. Sur l'album, tout le monde. XV Barbare, Volteface, PSO Tug. Mmh. Et il y a le Gims, poto. Il y a le Maître Gims en effet. Gims. On en parlera cette semaine justement de cette rencontre avec Maître Gims sur un morceau qui s'appelle Au cœur de Lutèce. Un morceau très très lourd avec un refrain très très très très lourd. Et ben en parlant de Gims, on va faire tourner tout de suite la roulette, c'est parti. Gagne les premières places de concert pour voir Maître Gims près de chez toi. Comment ça va Jérôme du côté de Limoges? Ça va nickel nickel. En pleine forme, je te présente Ice MC. Aïe aïe aïe. Bonsoir. Ça va Jérôme, ça dit quoi Limoges? Tu bosses, t'as repris, t'as les cours, tu fais quoi toi dans la vie? Ouais je bosse, là j'ai pas eu de vacances, alors c'est la galère mais bon. Aïe. Un poteau, moi aussi j'ai pas eu de vacances. Ouais, t'es pas parti non plus. Ah, moi, je suis pas demandé en vacances, moi, charbonne. T'as pour moi, les. Ouais, tu vois, faut charbonner. Partira plus tard. Voilà, obligé de charbonner. Bon, bah, Jérôme, en attendant, tiens, peut-être non pas des vacances, mais des places de concert pour Gims qui commence sa tournée. Tournée avec Skyrock hein, au mois de novembre et qui va passer par Limoges aussi, le 5 décembre au Zénith de Limoges. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi, Jérôme, sur la case, c'est. Aïe aïe aïe. Bah voilà, c'est Gims. Oh putain, trop bien, trop cool. Tu vas te mettre bien mon pote. Le Zénith de Limoges, le 5 décembre, t'attends Jérôme. Oh merci les gars, c'est super. Aïe, c'est aïe, pour aïe. Toi mon pote. Ah c'est super. Tu veux passer une petite dédicace? Ah ouais, c'est dédicace à ma meilleure amie que j'aime super fort et à ma chérie aussi. C'est les dédicaces cette semaine. C'est dédicaces maintenant. C'est les dédicaces hein. Voilà, à bientôt Jérôme. Merci beaucoup. 4 septembre, Jérôme. Et 4 septembre aussi, la sortie de cet album, L'Or des Rois, qu'on va découvrir tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. La guerre. Merci, Aïs, pour cette première soirée. Bah, merci, frère. Ça va bien passer? Nickel. Deux, trois petites dédicaces pour finir, deux, trois bien petits sûr, messages. Voilà, grosse dédicace à tout le 17ème. Voilà, XV Barabar, PSO Tug, Volteface, le petit Amir, tous ceux qui. Grosse dédicace à Agrum, à Bassirou, à Charnel, qui seront présents sur mon album avec Abim. Ouais. Et ouais, District. C'est le morceau qui s'appelle MS17. Ça, c'est la famille, ça. Voilà, c'est la famille. Et voilà, je tenais à les dédicacer, je tenais à les remercier. Et voilà, et grosse dédicace à bien sûr tous mes locaux, toutes mes locas, ma tous les gens qui te suivent, rappelle aussi pour base. Te suivre, parce que évidemment, il y a le téléphone pour Jean d'Ice MC, là, toute la semaine, c'est le téléphone attends, de Planète Rap. Attends, je pourrais mettre le numéro comme ça. Il est devant toi, c'est 06 71 74 84 15. Où que tu sois, appelle-moi, t'inquiète. Et tu l'as embarqué le téléphone, là? Moi je l'ai embarqué. Ah tu l'embarques? Ça y est dans ma poche. Ah ok, il est dans la poche, ok. Ça y est gros. Pense à le ramener hein. Ouais t'inquiète. Le perds pas dans le triangle d'or. Non t'inquiète. Je compte sur toi. Bon merci en tout cas Aïs. On se retrouve demain un petit peu avant 20h avec cet album qui sort vendredi, L'Or des Rois. Et Difool normalement doit être connecté avec toute l'équipe puisqu'on approche de la radio libre. Ça fait longtemps Difool. On est connecté, ça va être depuis vendredi Aïs. Ouais. C'est vrai c'est ça en fait. Vendredi non, on a eu 2 minutes en direct d'Algérie Aïs vendredi. Ça captait pas très bien. Non pas trop. Bah, on était au bled hein, ah c'est ça hein, t'as vu. Bon bah en tout cas content de t'avoir. Bah ouais. Big up à toute l'équipe, hein, ça fait plaisir. C'est le retour. Ouais, salut. Aïe, aïe, aïe. Romano, t'as l'air en forme, hein. Ouais, ça va, tranquille. Bah, il est bronzé en plus, le bougre. Ouais, bah oui, j'ai fait Maroc, Algérie, là, je suis bien, là. Je me suis bien reposé. Bon, bah écoute, profite. Puis nous, on va en profiter aussi toute la semaine, hein, 20h, 21h. Ice MC à découvrir. Il y a l'album, il sort le 4, donc le 4, c'est vendredi. Vendredi voilà. Déjà. Et avant vendredi, tout en exclu, il y a Timothée qui dit c'est quoi le son qui est passé à 20h pile tout à l'heure. Et bah c'était Millionnaire. Millionnaire. C'était lui, millionnaire, là. Alors. C'était Millionnaire, c'est Millionnaire. Millionnaire. Bitch, I don't care. Celui qu'on a écouté il y a 5 minutes aussi. Aussi. Exactement. Millionnaire. Ah, Romano, ça lui plaît, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, quoi, non, les michetonneuses moyens, même. Ouais. C'est Romano, la michetonneuse. Oui, fais attention, Ice, hein. Romano est capable de te michetonner, hein. Ah, fais gaffe, t'es là jusqu'à vendredi, t'es dans un risque. Merci, Ice MC, Millionnaire. Merci. Le son que vous retrouvez demain entre 20h et 21h. Et bien avant aussi sur Skyrock, parce que ça tourne en prog sur Sky. Bon, c'est un peu comme Gims, il y a plein d'albums qui déchirent et qui sortent actuellement. L'album de Gims, vous l'avez découvert la semaine dernière, il est sorti vendredi. Et ben, Ice MC sort ce vendredi prochain. C'est ça. Ouais, une rentrée chargée. Chargée, hein, Gims qu'on a découvert sur Skyrock, c'est parti pour briser. C'est le son qu'on va écouter tout de suite pour démarrer la soirée. Puis sinon, eh ben, on compte sur vous. 01 53 40 30 20. Vous voulez faire les cons avec nous? Radio Libre, c'est parti. C'est la rentrée sur Skyrock. Eh oui. Votre rentrée, notre rentrée, vous tous en direct. Allez-y, on vous attend. Le temps d'écouter Maître Gims. Et on se retrouve en direct sur Skyrock. Merci Fredo, merci Ice. Ciao, ciao, à demain. Big up, big up. Salut, salut. Et à tout de suite avec Maître Gims. Ils les appellent dans toute la France.